Nous y voilà, nous y voilà. Et bonjour à tous. Pinodeur du monde et d'ailleurs, et même du Japon, c'est bien là qu'on va aujourd'hui, et pour la première fois dans les colonnes de Cargo Culte, un groupe japonais. Puis alors pour le peu, on va commencer avec l'évidence absolue, avec le plus japonais des groupes japonais, et peut-être aussi l'un des plus influents, Yellow Magic Orchestra. YMO diront très très très vite les intimes. Yellow Magic Orchestra, tout un mythe. Hein. Et dans le mythe, d'autres mythes. Alors on va se plaire aujourd'hui à dépeindre l'histoire d'un album, en fait, plus particulièrement. Le très grand disque de Yellow Magic Orchestra, incontestablement le meilleur, technodélique, en 1981. Et alors, j'ai d'autant plus de plaisir à l'affirmer que c'est effectivement un avis qui n'est pas partagé par tous et qui surtout n'a pas été au début à la parution de cet album. Et bah, finalement, et pourquoi on va vite finalement comprendre pourquoi. Et puis, comme on a pas mal de temps aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 12h30, l'album est assez court, il est un standard de 40 minutes, ce qui était le standard de l'époque, évidemment. On pourra faire un petit peu des flashbacks et voir et comprendre comment se situe cet album technodélique, un tantinet décrié, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, largement, à l'époque, dans toute cette généalogie de Yellow Magic Orchestra. Alors, commençons par rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Les Kraftwerk japonais, ils s'étaient tôt dit. Et ma foi, c'est un cliché, mais il est vrai. Il est sans Kraftwerk, pas de Yellow Magic Orchestra. Il y a à l'évidence, une filiation, voire une forme d'imitation chez Yellow Magic Orchestra de Kraftwerk. Mais attention, parce que justement, derrière le cliché des contre-vérités peuvent se faire jour, et l'inverse est tout à fait juste. C'est-à-dire que Kraftwerk a été aussi très influencé par Yellow Magic Orchestra, et je pense que l'album Computer World de Kraftwerk, qui paraît en 1981, exactement à la même année que l'album de Yellow Magic Orchestra qu'on va dépeindre aujourd'hui, a été en retour influencé par Yellow Magic Orchestra, c'est une évidence. On va mieux le comprendre d'ailleurs au fur et à mesure des illustrations sonores et des commentaires que je vais pouvoir avoir avec vous aujourd'hui. Alors Yellow Magic Orchestra, bah c'est su, mais il faut le rappeler, c'est un trio finalement. Un trio qui s'est fédéré autour de la personnalité de Haruyomi Ozono. Et autour de lui, Yukiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto. Ozono est l'aîné, hein, il naît en 1947, tandis que Takahashi et Ryuichi Sakamoto, eux, naissent en 1952. Bon, ouais, ils sont les petits cadets de 5 ans, ce qui est peu, mais ma foi, il y a quand même une histoire très, très conséquente de Haruyomi Ozono au Japon, qui est une star depuis un bon moment, quoi. À la fin des années 60, il est là avec un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Happy End. Et c'est quelqu'un qui, en quelques années, et avant même d'acter la naissance de Yellow Magic Orchestra, va s'exercer à plein de styles différents. Il va toucher à l'easy listening, à une forme de jazz funk, à du presque folk et le psychédélisme. Tout ça à grand renfort d'instrumentation. Haruyomi Ozono est initialement un bassiste, mais enfin, il joue de tout. Et les autres musiciens de Yellow Magic Orchestra, c'est pareil, hein, et particulièrement des claviers. Autant le dire tout de suite, mais ce n'est pas un secret, c'est probablement su par beaucoup. Yellow Magic Orchestra sont quand même, à l'instar de Kraftwerk, des maîtres de la technopop, de la musique de synthèse. Et c'est parmi les tout premiers adeptes hein, des instruments électroniques dont la plupart sont toujours mythiques aujourd'hui. Et c'est d'autant plus le cas que Yellow Magic Orchestra, étant japonais, va être en première ligne pour faire la promotion des nouvelles machines japonaises qui ne sont pas forcément bien reçues à la toute fin des années 70 ou vraiment à l'aube des années 80 par le reste du monde. Technodélique, d'ailleurs, le bien nommé sous-entend plutôt pas mal, ça. Mais avant d'arriver là, autant commencer, puisqu'on va m'offrir comme ça un petit souvenir de Yellow Magic Orchestra, et puis au moins pour marquer la différence assez fondamentale entre les tubes de Yellow Magic Orchestra qui vont de facto irradier le monde. C'est assez étonnant parce que ça va se faire très vite. À un point même que l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, bon, la France un peu à la bourre, c'est comme d'hab, c'était dans ces années-là, mais quand même avec quand même avec une oreille ouverte, si à défaut des deux, va jumper et danser à qui me mieux dans les clubs branchés sur quelque chose comme ça. Firecracker, les tout débuts du groupe en 1978. We'll be right back. l'énorme Firecracker. L'énorme entrée de YMO, Yellow Magic Orchestra, sur la map monde de la technopop, du clubbing branché. Et cet apport orientalisant dans une pop culture globale, finalement, qui n'avait jamais entendu ce genre de sonorité-là et ce genre de mélodie-là. Et avant de rentrer de plein pied dans l'album qui nous intéresse, je reste sur ce morceau-là de 78, parce qu'à lui seul, il mérite de décoder et il explique pas mal de choses. En fait, ce n'est pas du tout un morceau original. C'est un morceau de Martin Denis. Martin Denis, c'est le pape de l'exotica. Et la version originale de Firecracker, elle est faite par Martin Denis, donc américain, hein, compositeur américain, exotica, c'est-à-dire cette fake music qui n'en est pas moins excellente et parfois sublimement arrangée. Martin Denis, c'est vraiment un des rois du genre. Et donc, c'est fait en 1959. Mais c'est le genre de musique finalement un pieu mièvre que les gens sont empressés d'oublier, mais que des gens affûtés comme Yellow Magic Orchestra, et particulièrement Harumi Ozono qui est à la tête du truc, s'étaient empressés de redégoter. Donc, si vous suivez bien ce qui se passe, ce qu'on entend là est en version électronique une forme d'exotica de l'exotica. Une réappropriation du cliché, tel qu'on a pu dépeindre finalement toute la culture orientale, et spécialement japonaise, pendant des années et des années, mais que finalement se réapproprie le vaincu. Hein. Alors là, je suis dans une logique post-Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Réappropriation qui va se faire par le biais de thèmes musicaux, tout comme par le biais de l'industrie, et spécialement l'industrie électronique et celle de la musique, en tout cas des instruments de musique. Et ça, ce n'est pas à prouver, c'est quelque chose qui est déjà lancé depuis pas mal de temps dans l'industrie japonaise. Mais elle va être peut-être encore plus flagrante et plus démonstrative avec toute une palanquée d'instruments de musique, dont Yellow Magic Orchestra va jouer dès les premiers jours. Je pense à la fameuse TR-808, c'est chez Yellow Magic Orchestra qu'elle apparaît pour la toute première fois. Et c'est dans même leur tournée live de 1980 qu'elle sera le plus montrée. On est clairement en avance sur le reste du truc. La TR-808, le reste du monde n'en veut pas. Parce qu'elle sonne un peu cheap et finalement, elle est moins performante que la Lindrum, elle, américaine, etc. Et ces instruments, un petit peu, déjà un peu... qu'on fait force. Hein. Mais voilà, il a fallu attendre un petit déclic générationnel... embrayé par une forme de technopop mondiale et relayé après par toute une forme d'électro and co, pour que l'apport de Yellow Magic Orchestra se fasse clairement sentir. Je ferai pas mal d'allers-retours comme ça aujourd'hui sur des époques pour montrer à quel point Yellow Magic a été un espèce de pivot essentiel là-dessus. Il se trouve que donc, Yellow Magic Orchestra se coalise, puisque finalement c'est une forme de coalition de trois individus très très forts, trois musiciens d'exception. Et Harumi Ozono avait en fait initialement, à peine un an avant le morceau qu'on entend là, en 77, déjà invité Yukiro Takahashi et puis Ryushi Sakamoto à jouer avec lui sur son album Paraiso, qui est donc l'album concept exotica, à tendance électronique, mais pas strictement affirmé encore, en 77. Et l'album s'appelait Harry Ozono and the Yellow Magic Band. Ben voilà, y a, à une virgule près, Yellow Magic Orchestra est déjà acté et ça viendra très très vite. Ryushi Sakamoto lui-même avait déjà été recruté par Ozono d'ailleurs pour jouer avec lui en concert dès 1975. Voilà. Il y a quelque chose qui est une anecdote, non, c'est une véritable histoire, un peu enfouie, et qui, dans un registre de psychanalyse de comptoir, en renseigne énormément sur Yellow Magic Orchestra, et particulièrement la personnalité d'Harumi Ozono. Harumi Ozono, qui est né en 1947, est le petit-fils d'un ancien ministre des Transports du Japon. Le grand-père d'Harumi Ozono était donc ministre des Transports dans les années 10. Et c'est quelqu'un qui a été un passager du Titanic. C'est d'ailleurs l'unique Japonais passagers du Titanic. Et qui plus est, c'est un des très rares survivants du naufrage du Titanic. Alors, c'est incroyable, un ministre des Transports qui survit d'ailleurs au naufrage du Titanic, quelque part, c'est tout bon sur le CV, vous voyez. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. Dans le Japon des années 10, et dans un Japon encore dominé par une figure impériale, le survivre au naufrage du Titanic est considéré comme une immense lâcheté. Et donc, le grand-père Ozono aurait totalement manqué à son devoir. Et il y a toute une opprobre, autant des élites que du peuple, sur la personnalité de Ozono. Voilà, qui aurait mieux fait de couler avec le bateau, voire se faire un harakiri, seppuku, sur le pont au moment du naufrage. Et on est au Japon. On est dans ce Japon du début du XXe siècle. Et la famille Ozono a vécu ça comme une forme de traumatisme, plus ou moins enfoui. Et c'est quelque chose qui a refait surface longtemps après, et à propos duquel s'était confié Harumi Ozono dans les années, à la fin des années 90, quand il avait pu rentrer en contact avec James Cameron. C'était James Cameron, en fait, qui était rentré en contact avec lui au moment où il réalisait son très célèbre Titanic. Donc, vous voyez, cette histoire dans l'histoire, elle n'est pas neutre du tout. Elle renseigne sur la culture japonaise et elle renseigne sur une forme d'ambition et une forme de revanche à prendre du côté japonais et spécialement du côté d'Harumi Ozono. On est loin de la musique ? Ouais, peut-être, mais pas tant que ça, finalement. Quand le groupe va être acté dès 1978 et puis signer des succès très forts, hein, par-delà le Japon, j'ai pris l'exemple du Firecracker qui lance le truc, mais il y en a plein qui vont s'enchaîner. Et toutes les années 78, 79, avec un autre album, le second, Solid State Survivor, qui lui va être truffé de tubes, vont vous faire ouvrir la voie au succès et en tout cas une forme de reconnaissance extrêmement respecté de Yellow Magic de par le monde, et du coup augurer une tournée mondiale assez importante qui va passer à peu près partout en 1980. Donc trois albums qui lancent la tournée de 1980. Le troisième, techniquement, étant d'ailleurs plutôt une sorte de mini-album, un peu compilation. Il se trouve qu'à l'instar de Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra va sortir des disques pour le Japon, des disques pour l'international. Ils seront sensiblement différents, avec un track listing légèrement modifié, des pochettes aussi modifiées. Et bien sûr, la langue japonaise sur l'un, la langue anglaise sur l'autre. Pas forcément de manière d'ailleurs totalement systématique, mais quand même avec des formes de petits upgrades, comme ça, selon les communautés, les pays auxquels est destiné le produit musical. Donc 1980, tournée triomphale, elle passe même par la France, il y avait eu des télévisions sur le truc, et un énorme, d'énormes succès, mais aussi d'énormes commentaires, qui sont d'ailleurs pas, c'est assez étonnant, mais il y a un relent dans, c'est écrit dans le San Francisco Review, tout comme en Angleterre, et je crois que c'était dans le Guardian, où il y a clairement la presse qui titre, je reprends en germe, mais voilà, si le Yellow Magic Orchestra n'existait pas, c'est un groupe qui germerait dans l'esprit totalement machiavélique d'ingénieurs doudingues japonais férus d'électronique. Voilà. Les hommes-machines. Et on reproche clairement à Yellow Magic Orchestra d'être finalement une espèce de figure plutôt désincarnée d'hommes-machines derrière leur gigantesque matériel. Là où jamais on a osé le faire pour Kraftwerk. Parce que Kraftwerk, c'était eux-mêmes revendiqués comme les men-machines, et donc les hommes-machines. Eh bien, mine de rien, c'est quelque chose qu'on a un petit peu twisté comme ça dans le dos de Yellow Magic Orchestra. En tout cas, il y a une moquerie un peu facile du groupe lors de sa première période conquérante, sublime et tantôt parfois easy listening. Et à l'évidence, il y a un après. Il y a un après cette tournée de 1981 et qui va aller vers davantage d'abstraction et finalement aller moins vers le succès. Et pour la seule année 1981, il y a deux albums de Yellow Magic Orchestra qui vont sortir. Le premier, BGM, BGM, un acronyme en fait de Background Music. Et immédiatement après, mais vraiment une poignée de mois après, notre album du jour, on y arrive enfin, Technodelic, Yellow Magic Orchestra. Petit retour sur ce background music et la, sa pochette verso. Elle est extrêmement sibylline, elle est difficile à piger, il n'y a rien qui, dans le, il y a rien qui sur le web corrobore ce que je vais dire, donc je peux me tromper. Cependant, il suffit de regarder. Donc, là où il y a la photo des trois musiciens, hein, Ozono, Sakamoto et Takahashi, bah, il y a en arrière-plan une facture qui est en fait une note du matériel embarqué pour et qui justifie donc les prix de chaque machine embarquée dans la tournée de 1980 auprès de l'assurance, parce qu'il fallait bien assurer faire tout ce matériel. La somme est absolument colossale. Ça se mesure en millions d'yens, c'est-à-dire que ça correspondrait à l'époque à 380 000 euros, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à peu près à 500 000 euros de matériel embarqué et déclaré auprès de la compagnie d'assurance lors de la tournée de 1980. Alors, ça renseigne sur deux choses. Un, la colossale force de frappe et financière du groupe. Et la machine, finalement, qui est derrière, hein, puisque les maisons disques poussent le truc. C'est Sony, même si c'est sous le nom de Alpha Records. Et puis, à l'international, c'est Sony via sa filiale Epic qui distribue les disques dans le monde. Et puis, ça renseigne aussi sur la capacité financière de chacun des membres du groupe. C'est aussi une manière très show-off et un peu bling-bling de dire, regardez, vous pouvez contester qu'on soit des hommes-machines ou quoi que ce soit, mais enfin voilà, on est là et on fait ça. Or, on n'a jamais réellement envisagé Yellow Magic Orchestra comme un groupe comme ça, à prétention politique, un peu revanchard. Et finalement, c'est un truc qui va se ressentir un petit peu. En 1981, donc là, je prenais appui sur l'image verso de l'album BMG, mais on peut y lire quelque chose d'encore plus politique et encore plus sardonique, avec là, l'image de couverture et l'image verso de Technodelic, le disque qui nous intéresse aujourd'hui, où on y voit clairement une femme chinoise, empruntée, image d'une paysanne chinoise empruntée à la révolution culturelle maoïste, et qui figure sur un fond rouge, comme ça, écarlate, avec une typographie strictement limité au YMO, YMO, plus même la peine de marquer Yellow Magic Orchestra, l'acronyme est acté, ça devient un slogan. Et juste à côté, un titre qui est une prophétie à lui tout seul, Technodelic. Et voilà. Et Technodelic est absolument révolutionnaire, est absolument à contrepoil de tout ce qu'on attendait de YMO. Et à tous les mots sublimes. Mais vraiment. Il se trouve que Technodelic est le premier, alors le premier dit-on, mais je vais quand même balancer cette généralité qu'on trouve partout sur le web aujourd'hui et qu'en fait je vais contredire après. Technodelic est le premier disque fait 100% à base de samples. C'est en fait pas vrai. Deux choses qui vont dire que c'est pas vrai, mais attendez, c'est quand même génial. C'est pas un disque fait à 100% à base de samples, c'est un disque qui est géré et conduit par les samples, dans le sens où, finalement, c'est pas le groupe va pas sampler des choses à droite et à gauche, non, il va se sampler lui-même, et mettre ça en boucle. Et finalement, dans une tradition qui est héritée des tape loops. Et d'ailleurs, il va y avoir des tape loops assez nombreux qui vont être faits. Bien sûr, des samples qui ne vont pas chercher des citations musicales extérieures à celles du groupe, mais par contre, qui vont chercher dans des bruits d'usine, dans des field recordings, dans des sonorités un petit peu étranges, Ce qui fera dire à beaucoup que l'album qu'on va découvrir aujourd'hui, bah, c'est finalement une forme de disque de musique concrète totalement sensuelle et dansante. Et finalement, ce n'est pas faux. Et croyez-moi qu'en 1981, le monde il n'est pas strictement prêt à ça. Mais alors, je disais, bah oui, c'est pas totalement le premier disque avec du sang. Bah non, il y en a un très notoire avant, et que je dépeindrai sûrement un jour dans Cargo Cult, c'est le My Life in the Bush of Ghost, qui était la réunion de David Byrne et de Brian Eno, pour un disque finalement entièrement produit en studio, et là, à base d'emprunts et de remontage. C'est un disque qui paraît en même temps que le très classique Human in Light des Talking Heads. Voilà, c'est un disque comme ça, en miroir de l'autre, absolument essentiel aussi. Et il est clairement fait avant, et finalement avec des technologies similaires, le technodélique d'aujourd'hui. Alors pourquoi on s'empresse d'en parler comme d'une espèce de grand opéra du sample ? Bah, déjà, il se trouve que cet outil premier, qui va être le sampleur, est loin d'être commun en 1981, quand Yellow Magic fait paraître technodélique. Le sampleur qu'on peut trouver dans quelques studios qui peuvent se le payer, c'est le Fairlight. Ça coûte 70 000 euros, c'est de l'époque, enfin, c'est beaucoup, quoi. C'est vrai, c'est même plus que beaucoup, c'est énorme. Et Yellow Magic, eux, vont se doter d'un sampleur qui va être spécialement fait pour eux par Toshiba, le LMD-649. Ou alors, ami geek, hein, soyez à l'écoute, hein, je vais me lâcher là aujourd'hui. Le LMD-649, qui est une forme de prototype, mais qui va quand même être commercialisé par Toshiba un petit peu après, est une machine encore plus puissante, et notamment avec une capacité de résolution, on monte déjà à 14 bits, ce qui est beaucoup. On est avant les normes de 16 bits qui vont être faites par le CD quelques années après. Croyez-moi qu'on est très très en avance. Et il y a surtout une capacité de mémoire assez monumentale de ce truc-là, qui fait que le Fairlight lui-même, qui est une machine qui coûte trois bras, est rendu obsolète par cette machine de Toshiba. Pour la petite histoire d'ailleurs, elle va être très très peu commercialisée parce que de toute façon là, elle coûte pas trois bras, elle coûte tous les membres. Et ça ne va pas être possible de trouver des preneurs de cet instrument-là. Et puis bah, finalement, assez vite, d'autres machines vont prendre le pas. Et il suffira finalement de quelques courtes années pour que tout d'un coup, le sampleur se démocratise largement et puis puisse conquérir plus facilement d'abord quelques studios de producteurs et puis apparaît même les home studios. Donc tout va aller très vite à partir de là. Mais je reviens sur le sampleur et l'usage maintenant, et on va un peu, pas strictement parler technique, mais l'usage qui va être fait par Yellow Magic Orchestra de ça. Il va y avoir notamment c'est très notable, hein, des kikak, ces chants indonésiens qui sont particulièrement repris dans un des morceaux un peu forts du disque qui s'appelle Neo Tanz. Neo Tanz, c'est en allemand, vous aurez compris, nouvelle danse. Petit clin d'œil évident, évidemment, à Kraftwerk. On y entend du gamelan, des phonèmes vocaux, comme ça, injectés, surréinjectés, des percussions, je l'ai dit, mais des bruits d'usine et de field recordings, comme ça, industriels, à la fois beaux et inquiétant. C'est spécialement le cas dans la fin du disque, d'ailleurs, avec deux thèmes qui sont spécialement écrits par Yuichi Sakamoto et puis qui sont clairement dans une figure ambiante, finalement. Beaucoup de sons non électroniques sont particulièrement intéressants. Il y a notamment du discours qui est fait via une radio émettrice réceptrice, si vous voulez, une radio two-way, c'est comme ça. Ozono lui-même reprend son instrument de prédilection, la basse, avec un son mais extrêmement. Vous allez voir, elle est super belle cette basse. Enfin, elle est passée dans l'électronique et filtrée dans des trucs, ça c'est évident. Mais elle est absolument élastique et finalement extrêmement organique. Tout ça structure finalement autour du sampleur, un petit peu maître d'orchestre, des interventions absolument intéressantes et très très très très très fouillées, quoi. Je vais insister sur l'utilisation de la TR-808. Donc, c'est la fameuse machine de Roland qui trouve pas son public à l'époque. Elle sort en 1980 et puis sa grande concurrente, c'est la Lindrum, qui elle, est beaucoup plus réaliste, qui est assez sophistiquée. La Lindrum fait les beaux jours des productions de Prince, par exemple, hein, et puis tout ce funk électronique hein, qui émerge exactement au même moment. Et donc, la TR-808, bon, on ne veut pas trop. Mais en fait, dès 1980, Yellow Magic va sortir les sons qui font le bonheur de tout techno-freak aujourd'hui, c'est-à-dire ce kick drum qui est gonflé avec une basse qui est finalement pas réaliste du tout, ces hand claps un petit peu secs comme ça, qui sont effectivement une caractéristique incroyable, qui pour le peu appartiennent pas strictement à l'univers de la batterie. Et puis pareil pour les snares ou les hi-hats, quoi, qu'ils soient ouverts ou fermés. Il y aura une utilisation aussi assez récurrente, on l'entendra un petit peu ici, de la fameuse cowbell, donc la cloche de vache pour traduire littéralement, qui était très... très spacey finalement, très sci-fi et en même temps, voilà, c'était une ruralité sci-fi. Yellow Magic va comprendre et décoder exactement l'électronique pour ses futurs usagers par la suite. Bah, en un mot, ça va devenir les concepteurs de technopop aussi affûtés, si ce n'est même plus que Kraftwerk. Parce que Kraftwerk a une dimension comme ça tellement féodale, quasi intouchable, que finalement, voilà... ces main machines trop proclamées pouvaient finalement faire un peu peur. Yellow Magic, non, va s'avérer finalement beaucoup plus... bon, quand bien même, il reste aussi dans des sphères un peu intouchables. Yellow Magic va s'avérer à la fois plus démocratique et finalement zéler l'usage de machines qui, elles, vont trouver plus facilement public dans les années qui vont suivre, voire les mois, hein, qui vont suivre leur exploitation. Technodélique dans tout ça est quand même un disque, vous allez voir, avec une âpreté extrêmement tendue. Takahashi dira qu'il y a, à chaque fois qu'il écoute ce disque, qui reste pour lui aussi un de ses préférés, il ne peut pas s'empêcher d'y entendre les tensions très très fortes qui montaient dans le groupe, et finalement spécialement entre Harumi Ozono et puis Ryuichi Sakamoto. Yuichi Sakamoto, il a déjà entamé sa carrière solo. En fait, il a ressorti même un disque, son premier disque solo, avant même le premier Yellow Magic. Donc, il y a clairement, sans doute, une ambition chez Sakamoto qui va très, très, très vite se confirmer. Et 1981, la sortie de Technodelic correspond vraiment à ce point nodal où l'année d'après, il va y avoir plus ou moins une crise dans le groupe. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que le groupe ne va pas sortir d'album cette année-là. Il faut voir que ce sont des stacanovismes de dingue. À la fois collectivement et séparément, ils y vont comme des dingues sur leur production collective, leur production individuelle, mais aussi des side projects, notamment de pop icônes, le plus souvent féminines, qui viendra un petit peu à la fin de ce programme, qui vont cartonner sur le marché japonais, mais pas se faire remarquer ailleurs. Et puis, ma foi, on le sait bien, à partir de l'année 82-83, ça va être spécialement le cas d'ailleurs de Sakamoto. Ben voilà, une carrière internationale va s'embrasser à lui, il va commencer à toucher à la musique de film et connaître les succès qu'on connaît. Très volontairement, je ne parlerai pas tant que ça de Sakamoto aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça vaut le coup qu'on y revienne une autre fois. Et il y a notamment, alors là je peux le dire, il y a notamment le deuxième album solo de Yuichi Sakamoto qui s'appelle Be to Unit, qui sort en 1980, lui, c'est-à-dire un petit peu avant, avant Technodelic, et que je trouve aussi fort, qui finalement annonce ce même univers qu'on pourrait appeler Cold Wave, hein, une électronique cold, mais en même temps extrêmement riche, et de manière un petit peu plus intimiste, peut-être un petit peu plus indus et plus aride encore, avec cet album absolument mythique, et pour moi très clairement l'une des meilleures productions de toute la galaxie Yellow Magic dans ces années-là, quoi. Donc si un jour on revient sur le concept de Yellow Magic Orchestra, et spécialement sur Ryuichi Sakamoto, je vous le promets, ce sera ce disque-là. En l'occurrence, là, aujourd'hui, Technodelic, l'incroyable Technodelic. Entre autres sonorités de dingue, vous allez entendre un piano préparé. De l'aveu de Harumi Ozono, Technodelic est un disque hommage à John Cage et à la musique concrète. Waouh ! Je vous dis, c'est dingue. On est plus tout à fait dans Firecracker, si vous voulez. Et Taïso, qui est le single, il n'y a eu qu'un single extrait, non, deux même d'ailleurs. Il y a eu deux singles extraits du disque, mais aucun a connu un grand, grand succès. Hein. C'est même au point où il n'y a pas eu d'édition américaine du disque technodélique, parce que voilà, ils avaient peur de ne pas le vendre. Puis comme du coup, juste quelques mois auparavant, il y avait déjà eu BGM, et qui lui s'était vendu pas très bien, beaucoup moins bien que les autres. Voilà, on a mis le disque de côté. C'est quand même dingue, alors que ce n'était pas le cas en Europe. Donc je disais, hommage à John Cage, vous allez entendre un piano préparé, clairement. Et ce piano préparé est samplé et surajouté sur un autre piano qui joue en même temps, plus cette basse, etc. Voilà, on est vraiment à la croisée de rythmes industriels très abstraits, parfois très concrets, des synthés extrêmement froids, beaucoup plus que les précédents, volontiers répétitifs, des vocaux en écho, avec quelques délais, comme ça, très entêtants aussi. Bienvenue dans ce disque absolument, vraiment, absolument formidable de Yellow Magic Orchestra en 1981. Et cette première adjonction vocale, aussi sibylline qu'incroyable, qui dit « This must be the ugliest piece of cheese I ever eaten ». This must be the ugliest piece of bread. This must be the ugliest piece of bread I've ever eaten. m'étonne. Going upstairs, people going down. Thank you. La grâce ultime, cette note de synthé absolument planante et un peu inquiétante à la fois. C'est une composition de Ryuichi Sakamoto. Les deux dernières, comme ça, très, très ambiantes et un peu froides, indus hein, quasiment, sont signées Sakamoto. Le dernier thème qu'on vient d'entendre et donc qui conclut Technodelic, sublime album de Yellow Magic Orchestra en 1981, bah, ce track de fermeture, il n'est pas sans évoquer bah, une autre track de fermeture d'un disque mythique. C'est le thème Warszawa de David Bowie, Bowie Eno, pour l'album mythique Low, alors qui lui est, date de 76, hein, si je ne m'abuse. Voilà, et évidemment, on pourra s'amuser, à qui mieux, à chercher, deviner, trouver ou pas, les emprunts plus ou moins assumés de Yellow Magic Orchestra, du Yellow Magic, maintenant on ne joue plus orchestra, à la culture pop western, si vous voulez. Et il y en a plein. Mais Harbour, il y a aussi, et ça je me suis évertué à vous le prouver aujourd'hui, et finalement tout le monde est d'accord, que Yellow Magic Orchestra est aussi une figure tutélaire qui va inspirer toute la ribambelle de technopop artistes qui vont arriver ensuite, mais tous sans exception. Depeche Mode, même s'ils sont déjà là, Duran Duran, enfin Adlib, hein, il y en a plein. Et bah je lis vos commentaires. Oui, alors à un moment, on parlait de Duran Duran. Bah oui, complètement. Et merci, Julie, d'avoir pensé effectivement à Bowie. Parce que il y a effectivement, même dans la voix, une forme de concomitance hein, avec Bowie. Et rappelons que Bowie va croiser le chemin de Sakamoto et d'une des plus belles manières qui soit. Quand Sakamoto, Ryuichi Sakamoto, va faire sa première bande originale de film, il en sera aussi l'acteur principal, en tout cas le co-starring acteur avec David Bowie. Et là, je pense au film absolument extraordinaire, ça, tout le monde doit le voir, c'est vraiment un superbe film d'Oshima. Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui était sorti sous le nom de Furio en France, en 1984. Le film met en vis-à-vis... deux beaux gosses, David Bowie, blondinet certifié, figure rebelle emprisonné dans un camp japonais pendant la guerre. Et face à lui, un capitaine de camp, intraitable, mais néanmoins séduit et dans un espèce de porte-à-faux entre masochisme et séduction, s'engage finalement entre les deux hommes. Et donc c'est Sakamoto qui joue le rôle et il le joue très très bien. Alors il est en plus l'auteur de la BO du film et qui à mon avis à ce jour reste encore peut-être la plus belle et la plus remarquée des bandes originales de films de Ryuichi Sakamoto. Alors oui, effectivement, Technodelic, que je campais comme le grand moment de Yellow Magic Orchestra va être aussi l'amorce d'un déclin. Le disque est là, pile poil, au milieu de leur carrière, en 1980. Et le groupe va se séparer en 1984. Alors il va se séparer, mais pour mieux se remettre après, enfin vous savez ce que c'est, et puis exactement comme Kraftwerk, ils ont fait des re-updates de leurs albums, etc. Ce qui fait que vous allez sur Discogs aujourd'hui, et pour la seule référence, Hello Magic Orchestra, vous êtes 90 disques, quoi. Sachant qu'officiellement, il doit y avoir que 7 albums, quoi. Plus quand même des lives, donc on arrive à 10, mais pas plus. Après, voilà, il y a des updates, les remachins, les trucs. Et comme je disais, les tensions entre Sakamoto et Ozono ne se sont jamais résolues. Le groupe se sépare donc en 84, avant quand même de remettre le couvert des décennies plus tard, mais enfin beaucoup plus par opportunisme que par vraiment opiniâtreté artistique. Et à ce sujet-là, Sakamoto devait déclarer, parce que le chemin de Ryushi Sakamoto est très étonnant, c'est quelqu'un qui aurait eu deux vies et qui va clairement tourner le dos à son passé, et clairement tourner le dos à la musique électronique. Et aujourd'hui, être un concertiste plus ou moins virtuose dans le domaine qu'on connaît. Et à Sakamoto de déclarer que s'il rencontrait son ancien moi aujourd'hui, il le frapperait. Voilà. Donc est-ce qu'il le frapperait pour raison artistique, ou est-ce qu'il le frapperait parce que son ego était peut-être tellement démesuré que finalement, voilà, le gars était insupportable ? On saura jamais complètement ça, finalement. Mais toujours est-il que l'émulation artistique qui s'est passée à ce moment-là entre les trois bonhommes était absolument extraordinaire. L'année d'après, le groupe se repose, mais enfin, il ne se repose pas du tout. Chacun va produire et engager sa carrière solo, et toutes très très bon. Sakamoto le premier, mais Ozono, qui a déjà commencé bien avant tout le monde, lui va continuer. Et puis notamment, il va y avoir les side projects, des productions parallèles. Alors, je vous en livre une en disant au revoir. Et c'est une de Ozono aussi, justement. Parce qu'on sait bien que finalement, l'élève a dépassé le maître, et Ryushi Sakamoto est devenu à l'international largement plus connu que Marumi Ozono. Mais il est toujours intéressant de revenir aux sources, et puis notamment, à travers juste petit exemple, sortir avec un morceau, mais totalement, là on n'est même plus technopop, on est dans une stricte variété, mais extrêmement jolie, extrêmement mignonne, avec une artiste produite par Harumi Ozono, c'est une femme, Miharu Koshi. Et il y a eu une ribambelle comme ça d'artistes et vraiment de petites poupées pop typiquement nippones, quoi, qui ont été produits pour le marché japonais et pas pour le reste, par à peu près toute la palanquée des artistes, par les trois Yellow Magic Boys, quoi, mais en tête particulièrement Harumi Ozono. Et vous allez voir, j'aime beaucoup ce morceau-là parce qu'il s'appelle Petit Paradis. Petit, petit paradis. C'est exactement ce que ça dit, un morceau en français. Et c'est plus qu'un morceau en français, c'est un morceau dont vous reconnaîtrez dans l'introduction une influence évidente sur Ravel, un petit côté Debussy, mais spécialement le boléro de Ravel avec cette rythmique-là, quoi. Et ça, ce sont des figures extrêmement prégnantes, hein, dans l'univers de Yellow Magic Orchestra. Ce sera encore plus le cas quand Sakamoto va prendre le piano, croyez-moi, quoi. Donc, en guise de revoir, ce petit paradis, un bijou pop absolument merveilleux, hein, c'est Shibuya dans un gant de velours. Bonne écoute et merci d'avoir été présent sur ce Cargo Culte. À la semaine prochaine. Shit. she